acteur de centre aéré et les gosses qui sont dedans. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été aussi pesant. Vigilance, emmerdement, courir partout et hurlement. Je croyais que c'était bronzette, les claquettes et de l'argent. Un coupable en liberté, mieux que des innocents en prison. Je suis déçu, j'aurais bien fait un pass. Sur le dicton, sur 300 gosses, j'ai vu passer. Je les aurais bien tous noyés. Une bonne BA pour l'humanité. Personne n'y y avait pensé. Je suis sûr que dans le lot, il y avait un futur psychopathe, un serial killer ou une ministre ingrate. Mais il devait y avoir aussi un futur Didier Deschamps, une rockstar internationale, une championne de catamaran. Putain de centre aéré, les gosses qui sont dedans. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été aussi pesant. Vigilance, emmerdement, courir partout et hurlement. Je croyais que c'était bronzette, les claquettes et de l'argent. Deux euros de l'heure, mais les mômes compatis, s'ils remplissent mon sac de dessin, c'est comme des primes en moins malsain. Mais je suis un privilégié, j'ai droit à deux briques jockey et une brioche pour goûter, mais pas une pasquille, faut pas déconner non plus. Les enfants sont pas contents, se sont même pas mouillés les pieds. Les parents sont pas contents, leurs mioches sont limite irradiées. La directrice n'est pas contente, c'est pas bon pour le prochain été. Moi je vois le bon côté, des gosses en moins, du temps plus. Putain de centre aéré, et les gosses qui sont dedans. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été aussi pesant. Du jambon et un œuf, même pas le temps d'aller pisser. Je croyais que c'était la plage, le resto et les soirées. Attends, je fais un solo vocal de batterie avec la bouche. Papa, viens voir, je fais un solo. Pas besoin de boîte à rythme. Atelier créatif, j'ai testé leur imagination en leur proposant gentiment un travail de composition. Je leur dis vous écrirez en vers, ils me disent le vers c'est caca. Alors vous écrirez en prose, ils me disent on préférait le vers. Au niveau syntaxique, plutôt sympathique. Sur le thème de l'amitié, ils m'ont vachement impressionné. Ils ont fait des rimes riches, sans même le faire exprès. Ils ont fait rimer artichaut avec artichaut. Putain de centre aéré, et les gosses qui sont dedans. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été aussi pesant. Vigilance, emmerdement, courir partout et hurlement. Je croyais que c'était bronzette, des minettes, des claquettes et de l'argent. Mal de tronche tous les soirs, boire l'eau tiède du lavabo. Je croyais qu'on serait peinard à écouter le bruit de l'eau. Rester debout dans le bus, 5 amoureuses de 6 ans. Moi je voulais des minettes, de la maillot de temps en temps. J'espérais plus d'argent, un mégaphone et un fouet. Je voulais des patchs de morphine et des télés pour les calmer. J'espérais plus d'argent, un mégaphone et un fouet. Je voulais des patchs de morphine et des télés pour les calmer. Putain de centre aéré, putain de centre aéré.